Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. C'est pas vrai. Vous avez un problème. Nous avons un podcast! Bonjour et bienvenue à la balado-diffusion Pas de problème. Ici Frédéric Barbouchy en compagnie de Martin Boily. Salut Frédéric! Salut Martin! Simon Rousseau. Salut Martin! Salut Frédéric! Salut Simon! Et Mathieu Bouillard. Genre arabisant un peu? Ouais, c'était bon, c'était bien joué! Arabisant? Bravo! Ouais, oui. Bravo. C'était pas loin quand même du Punjab là puis ouais le bruit Bollywood, de ouais genre de sitar oui j'arrive sitar dans la discussion magnifique c'est à ce moment là Simon je pense qu'on chire c'est à la oui, présentation à la 80 secondes, souvent, c'est ça ouais. C'est quoi ton film Bollywood préféré toi Frédéric le remake de E.T. Non, je sais pas. Non, pas de question. Moi, j'en ai pas vu, mais ce que j'ai vu, c'est le sampling duquel, tu sais, la chanson Toxic de Britney Spears oui. a été pris, en fait. C'est comme une ouais. chanson de Bollywood dans laquelle ils ont pris plusieurs samplings. Okay. Tu peux trouver ça sur YouTube, c'est intéressant quand même. Okay, ouais. Quand même. Ouais. Hey, c'est vendredi! Vendredi! Oui, habituellement, on sort tous nos podcasts les vendredis. Ouais. Pas de problème, bien c'est quoi? Une balado-diffusion aux quatre experts en rien, s'improvise expert en tout. Le temps d'offrir plusieurs solutions à un problème donné. Ou, Mathieu? Ou des inepties. Des inepties. Des solutions oui. à un problème. Il y a des inepties. Des... Oui, bravo! Ou des onomatopées. Tu m'as vraiment répondu comme si c'était une question de quiz. Oui. Des inepties. Des inepties. Oui. Pouvez-vous répéter la question? Pouvez-vous répéter la question? Oui. Alors, voilà. Et le problème cette semaine, on doit faire un beau bonjour à tous nos broadcasts de RZO oui. et les autres. Oui. RZOweb.com. D'ailleurs, Dominique Garand de Lobe Frontal qui nous avait déjà fourni un problème audio oui. qu'on était très content d'avoir. Oui, ouais. très court et très... Non. très... Mais, non, mais c'était le fun pareil. C'était le fun. On en veut des problèmes audio. Ouais. On en veut. Merci beaucoup. Mm-hmm. Ben, il nous en a envoyé une chier. Trollé, hein. Ouais. Bon, c'est notre fameux médecin de région, oui. ça. Oui, de l'Abitibi. L'Abitibi, il me semble, ouais. Ouais. Oui, avec qui nous a envoyé ça. Et d'ailleurs, il nous a envoyé plusieurs problèmes. Ouais. Et il y en a un qu'on a pris pour cette semaine, puis on va en prendre d'autres. C'est très gentil c'est sûr, de sa part. Oui. Merci. Ouais. Faites comme Dominique Garand. Mmh. Envoyez-nous de vos problèmes. Mmh. Et si vous voulez écouter un podcast de médecins, allez écouter Lobe Frontal. Oui. C'est Garant de succès. Oui. Puis même qu'à quantité de problèmes qu'il nous a soumis, des fois, je me demande si c'est pas un cas à problème, ce gars-là. C'est un cas à problème. Ouais. Mais le problème de cette semaine, je vous le dis tout de suite, il est très épineux. Oui. Presque, il en est un. Oui. Il va comme suit. Comment une jeune ado, dont la mère déteste les médias sociaux, peut-elle convaincre celle-ci de la laisser avoir un compte Facebook? Ouais. Ce qui est dur déjà à déterminer, c'est quel âge a cette adolescente? Et ben, pourquoi c'est Dominique dur, Garant Dominique, parce qu'en oui. partant, si elle n'a pas 18 ans, théorie, elle n'est pas censée. C'est 13 ans. Si elle n'a pas 13 ans, elle n'est pas censée être sur Facebook. C'est 13 ans minimum. C'est 13 Facebook. Ans. Ça a changé. Je vraiment. Vais vous le dire parce que moi, j'ai beaucoup d'amis jeunes sur Facebook. Et il y en a plusieurs qui n'ont pas 13 ans et que tu les signales. Oui, je les signale. Non, c'est pas vrai. Je les signale pas, mais tu sais, quand on va donner des ateliers, tout ça, d'impro à des jeunes, mais ben là, oui. ils t'ajoutent là, pendant que tu leur donnes l'atelier. Ouais. Tu fais, mais comment t'as fait? Je t'ai même pas vu. Et là, bing, bing, bing. Et là, t'as plein d'images avec des pensées du jour. Pis de... ah oui, hein. Des affaires qui se aident un peu bien quand même. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Non, mais bref, c'est 13 ans. Puis il y en a beaucoup des plus jeunes que ça là, qui sont là. Mm. Des bébés naissants. Mm-hmm. Ça veut dire que les parents les ont pas... Les ont pas surveillés comme faux. Non, là. C'est ça, tu sais. Mm. Et c'est dur. Ça doit être difficile. Ouais. Moi, là, tu sais, mes parents n'ont jamais eu ce problème-là. Ben ils n'en avaient pas. Mm-hmm. Ben, quoi que j'étais sur les babillards. Oui, moi, j'étais sur Internet de façon excessive aussi. Là. Ouais. Non, mais attends, là. Je veux dire, en 95, moi, là, j'avais 20 ans. OK, ouais. 95, j'avais 20 ans. Fait qu'il n'y avait plus à contrôler les sites non, cochons. Non, c'est ça, là, je veux dire, il y en avait, tu sais... Hey, les sites cochons, c'était pas ce que c'était, non, c'est non, pas ce non, que non. c'est aujourd'hui. Il fallait que tu payes un sacré magot, sinon tu pouvais avoir par-ci, par-là, une photo d'un sein. Ouais. Fallait que tu printes une fille en lettres, tu sais, dessinée ouais. avec des lettres en ASIC, ouais, là, ouais, ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'était terrible. Okay. Mais cela dit, moi, vers... 15 ans, j'avais le Alex, qui était l'équivalent du Minitel. Ah oui, on avait ça ici. Ah. Oui, c'était belle. Ça me coûtait 7 piastres par mois. J'avais un Alex qui était sensiblement un écran avec un clavier que je rabaissais et j'allais sur les babillards électroniques. Je pouvais aussi payer des comptes que j'ai jamais fait, mais tu sais, j'avais pas de compte. Okay. Et voilà, donc je communiquais. Genre, c'était comme des forums de discussion. Oui, oui, oui, c'est ça. Et sur des jeux de vidéo ou genre... Même pas, c'était... T'sais, je faisais des fautes à répondre à des gens qui disaient « Salut, ça va? » C'était okay. vraiment... Oui, ouais. Okay. Ah, oui. Un peu à la MIRC aussi. Là. Ça doit, ça. Moi, j'ai connu ouais, MIRC, dans les premiers chats, il y avait ça, MIRC. Ouais. Là, moi, la première fois que je suis allé chez mon oncle qui avait Internet, hey. Il m'avait montré MIRC, puis j'avais... T'avais pogné quelque chose. Là. Ah, j'avais pogné de quoi. Là. Je chattais avec ouais. quelqu'un, je me rappellerai toujours de la première fois. Ouais. Hey, le fait d'être en lien avec un étranger, c'était chose, addictif. Là. Là. Mm-hmm. Maintenant, on est moins là-dedans. On chatte roulette avec dans des les... pénis. Ouais. Oui, on est revenu. Mais tu sais, les sites de rencontres, je dis pas, mais maintenant, nos réseaux avec qui on peut chatter, c'est nos réseaux de gens qu'on a connus dans la vraie vie c'est avant. Vrai. Mm. Mais il y avait vraiment ça. Là. L'étranger s'ouvrait à nous. Là. Moi, je me rappelle là, sur Yahoo Chat. Tu avais un gros chat populaire où tout le monde écrivait des trucs. Ouais. Il y avait la ligne en fait avant ça. Oui, sur c'est les vrai. Téléphones. Sur les ouais, téléphones. C'est vrai. Ouais. Ça coûtait c'est... quand même cher, je pense. Mais avant la ligne en fait, il y avait comme un accès. Je sais pas, je me rappelle plus. Là, quand j'étais petit, mon frère et ma soeur faisaient ça, genre étoile 21, je sais pas trop quoi. Là. Ouais. Et tu sais, c'était comme tout le monde se ramassait à la même place, puis ça jasait. Ça disait, tu sais, c'était comme plein de monde sur une ligne. Mais ça devait être compliqué d'avoir, tu sais, comme mettons, je veux te parler à toi, là. Ouais. Toi, ça a l'air intéressant, tu sais, mais là, tout le monde continue à te polluer. Là. Ouais. Alors que souvent, sur les gros chats comme Yahoo Chat, tu disais, mettons, 25 gars de Longueuil veut chatter en privé, tu sais, à qui s'attend. Et là, tu recevais une demande, la personne te disait bonjour, tu disais bonjour ASV, c'est-à-dire âge sexville, et tu partais une discussion. J'ai l'impression que le monde se sont tannés de ça. Âge sexville. ASV. ASV. Mais attends, vous, l'utilisation que vous faites de Facebook, c'est nos amis ou des cercles, plus des gens que tu connais pas, mais t'es flush ou t'es T'es laisses en attente à tout jamais. Ou t'es voix moins. Oui, c'est ça. Mais pour les jeunes, il y a beaucoup de ça sur Facebook, d'accepter du monde qu'ils connaissent pas, d'aller chercher du monde qu'ils connaissent. Il faut toujours faire attention à Amadou Djabi, qui est membre depuis 3 jours sur Facebook et qui, soudain, a fait 2000 demandes d'amitié en 24 heures. Là, où tu fais, tu l'as pas accepté? Non. Amadou? Man. Ah oui, c'est une personne comment tu vas faire pour venir à son party? Oui. Excusez-moi, je t'assure que c'était un pourriel. Le Jabby Party? Le Jamboree Jabby. Ça va être quelque chose, là. Excusez-moi, les boys. Jabiri. Je vais y demander. Aussi, tu manques le bateau. Peut-être trop tard, là. Ben non, j'ai redemandé. Mais c'est quoi la crainte? En fait, sa mère qui aime pas les médias sociaux. Tu peux pas ne pas aimer les médias sociaux. Tu peux ne pas aimer ce que ça véhicule. Je pense qu'elle a été... peut-être chat est chaud, craint l'eau froide, peut-être. Oui, mais peut-être. Non, tu peux ne pas aimer ça, pour plein de raisons. Ben, tu sais, en fait, c'est l'image qu'on en donne. T'sais, j'ai l'impression là, que beaucoup dans la conscience populaire, on démonise les médias sociaux comme étant hey, vous avez plus de vie, on se parle plus pour vrai, on se parle comme. Ouais. Alors que c'est pas vrai. On, c'est pas vrai. On renoue avec l'écriture, même si certains vont dire il y a des fautes d'orthographe, tout ça. Oui, non, mais on communique quand même des choses qu'on dirait peut-être pas dans la vie pour vrai. C'est vrai. Tu sais, combien de personnes ont fait des déclarations d'amour par Facebook chat, là, je m'adresse aux jeunes, là, qui n'auraient pas été capables de faire ça dans la vie. On avait nos façons, là. C'est la translation. Ben, exact. Ouais. Moi, je trouve qu'on évolue. Je pense qu'on peut pas ne pas aimer. Je dis pas que c'est l'évolution. C'est ça, on peut pas. Ben, moi, je pense que c'est un peu ça. On évolue dans ce sens-là. On technoise. Mm-hmm. Ben oui, mais c'est de l'évolution. Quelque part, on s'en va vers ça. Là. Ouais. La question est pas de dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. La question est-ce qu'il y a. Comment je pourrais dire ça? Est-ce qu'il y a une manière d'utiliser, mettons, Facebook qui aurait comme pas de bon sens? Est-ce qu'on peut l'utiliser n'importe comment ou est-ce qu'il y a comme une règle d'éthique à respecter? C'est sûr que l'anonymat, tu sais, se faire un faux compte Facebook ou un faux compte Twitter, ça, c'est une arme très dévastatrice. Là, tu sais, là où tu peux te permettre de dire des affaires sur des gens, souvent, c'est ça. Là. Partir le bullying. Les trolls. Les trolls. Non, mais tu sais, il y a beaucoup ça, de se partir une page Facebook de « On haït Cindy le chasseur ». Ah, elle, pars-moi pas. Oh. Ouais, non, mais tu sais, ça, là... Mais c'est terrible, ça. C'est ça qui est terrible, c'est les médias sociaux. Là, C'est que tout d'un coup, autant ça devient facile, comme je disais tantôt, de faire une déclaration d'amour à quelqu'un, autant ça devient facile... De baver sa haine. On devient courageux derrière notre ordinateur. Mais est-ce que si on le fait de manière publique, selon ta logique, on peut tout faire? Ben, il reste que des légiférations aussi. Tu sais, comme tes profils sont quand même regardés puis observés en quelque part. Là, tu peux, Les lois de la vie s'appliquent aussi sur Facebook, dans le sens où. Oui, OK. T'sais, oui. C'est ça. Mais les règles d'on écrit aussi, là, tu sais, à quelque part. Mais il reste que. Déjà sur Facebook, j'ai mis le problème. Et il y a Diane Lefrançois, qu'on salue, qui a écrit La mère a le mot de passe de l'ado. Ouais. Dans le sens où, garde, tu peux venir voir ce que je fais n'importe quand. Mais ça, c'est ça. C'est de faire... un petit contrôle de temps en temps. Je veux dire, j'ai mon ami dans ma chambre, mais la porte reste ouverte. Ouais, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Sinon, Patrick Nadeau qui écrit « Facebook permet d'exprimer au monde entier à quel point elle aime sa mère. » Wow, très bon. Très bon, Mais en connaissez-vous beaucoup quand même, vous autres, du monde qui sont pas sur Facebook? Très peu. Quelques gens. Vous souvenez-vous de Jessica Barker et ses t-shirts Fuck Facebook? Sûrement sur Facebook à l'heure actuelle. Ouais. Probablement. Mais je me rappelle de Guillaume le Métivierge, Vincent Bolduc, Jessica Barker qui avaient leur t-shirt Fuck Facebook. Fuck Facebook. Ouais, c'est vrai qu'au début, il y avait comme des moments. Des mais moi, étonnamment. Mais j'en connais des gens qui sont pas sur Facebook. Ouais. François-Étienne Paré, animateur de Les Nerds, n'est pas sur Facebook. C'est étonnant. C'est vrai. Mais moi, ma sœur n'est pas sur Facebook. Non, il y en a quelques-uns. Je pourrais nommer 3-4 personnes qui ne sont pas sur Facebook. C'est pas énormément, tu vas me dire. Moi, mes parents le sont. Et là, ça a été une grosse étape, tant qu'à moi, encore plus problématique que celle qu'on est en train. C'est est-ce qu'on accepte nos parents comme amis? Ouais. Ouais. Ouais. Mais tu vois, il y a beaucoup de jeunes qui allaient sur. Mais là, c'était là, je sais pas si ça existe encore. Là. VK, le Facebook russe. On avait déjà parlé. Parce que, justement, sur Facebook, tu as toutes tes tantes, puis ta mère, tu as toute ta famille que tu fais. Je veux pas. Fait que si tu vas sur le Facebook russe, à part que l'interface est un peu fucked up. et que si t'es homosexuel, tu peux te faire reporter. Non, il n'y a pas de règles dans le sens, à part sois pas homo, mais. C'est la seule règle. No homo. No homo, mais il n'y a pas de règles. Genre, tu peux poster. Mais ça a peut-être changé, là. On le connaît pas, ce site-là. Je me suis inscrit. En général, c'est plus wild. Oui, c'est ça. C'est la liberté. Ouais. En fait, okay. Moi, je pense que le devoir de la mère là, dans cette affaire-là, ça serait vraiment de bien connaître Facebook, de s'en informer. Puis comme ça, elle pourrait elle-même mettre les limites claires à sa fille. Tu sais, mm-hmm. Faire genre, tu sais, oui, je veux que tu aies une page, mais tu sais, je veux pas que tu mettes des selfies de toi en brassière. Je veux pas que tu acceptes du monde que tu connais pas. Tu sais. Oui, mais sans mettre des limites comme ça, moi, je pense que des fois, j'ai l'impression que dans les discussions avec le chiqui pour parler parce que j'ai pas d'ado, ouais. Là, mais j'ai souvent l'impression que dans des discussions de même, c'est là que tu vas provoquer l'autre à le faire. Tu sais, de dire, je veux pas ouais, que tu fasses hein. Ça, mais c'est d'avoir ces discussions-là, par exemple. Qu'est-ce que tu penses des filles qui font des selfies d'eux ouais, en brassière? Ouais. Comment t'y trouves? Tu es en train de te dire là, que si ton père t'avait jamais dit mange pas de ballonné, t'en mangerais pas autant. Là. Si mes parents m'avaient pas dit autant, mettons, fume pas de cigarette. Je pense ouais. Que j'aurais jamais fumé. Tu sais, j'aurais peut-être pas eu autant de goût de fumer. À un moment donné, arrive l'âge où tu veux te rebeller, où tu fais ouais. Comme ah ouais, là, tu sais, ça devient, je pense, une phase normale dans, ouais. Dans l'acceptation, dans la okay. Dans devenir ouais. Quelqu'un. Là, fait de... que c'est quoi déjà ton truc d'abord? C'est de, au lieu c'est d'amorcer cette discussion-là, d'avoir la discussion avec ton enfant, là, de faire qu'est-ce que tu penses de ça, toi, les filles qui font des selfies? Mm. Qu'est-ce que tu penses de ça, les filles qui mettent des photos de leur lunch sur Internet? C'est le contraire, là, c'est l'ado qui doit... C'est ça. Ben non, mais c'est la mère, ouais. Mais avant question de sensibiliser, ouais. Là, tu sais, la mère peut avoir cette question-là. Ou peut-être la fille peut dire, « Maman, qu'est-ce qui te dérange qu'est-ce de Facebook? » Non, qu'est-ce que ouais. Tu penses? Ouais. Parler, parler, ouais. Non, mais faire ça, puis aller dans notre ancien podcast, là quelques semaines... De faire en sorte des que drunk l'autre... Facebook non que, ouais, que l'autre ça. Personne qu'on fasse à croire que l'autre personne c'était son idée ouais. Sinon on peut aller là-dedans. Vraiment on peut se reporter en 2009 je crois et aller au pas de problème numéro 5 comment faire comprendre à des jeunes qui n'ont même pas l'âge d'être sur Facebook qu'ils ne devraient pas mettre de statut trop personnel. Ah, aïe, aïe, aïe. C'est le moment où Mathieu parlait des statuts. Des statuts, oui, hein? Je m'en rappelle. On dit des statuts. Non, mais c'est loin. Puis, déjà. Hein, mais reste que dans nos premiers, pas de problème. Et je connais Maryse qui avait posé ce problème-là. Mm-hmm. Et ces gars, maintenant, ont justement... Ils sont rendus vieux, là. 18, ouais. 18 ans. Et les deux, même si c'est pas des jumeaux. Non, mais et bref, c'est ça. Le problème s'estompe avec les années parce que tu fais, ben j'ai plus le choix en tant que mère ou tout ça. C'est, donc, c'est vraiment, c'est une affaire de le temps. Le temps est une solution c'est possible. Ça, ouais. Parce que, tu sais, de refuser catégoriquement son enfant d'être sur Facebook, quelque chose d'un peu comme, tu sais, c'est de l'aliéner de tout. L'affaire la plus sociale du monde. Là, ben oui. C'est sûr qu'un enfant va faire crise. Surtout quand tout le monde le fait autour de toi, t'sais. Tu te dis, mais non, tu peux pas me couper de ça. Non, j'ai l'air de la fille que sa mère veut pas qu'elle aille au bal. Mais non, mais tout le monde va au bal. C'est comme de l'empêcher de manger de la viande, de boire de la bière, fumer du pot. Là. Vraiment. manger de la viande, oui. Attends, ouais. Boire de la bière, après ça, il y a une raison. Il y a toujours la technique. Mettons que la fille est en. Elle fait du cheerleading ou elle joue la crosse. Ou, ouais. Peu importe. T'sais. Elle a une activité dont sa mère est très fière. Ouais. Et elle dit toutes les rencontres, toutes les informations sont véhiculées dans un groupe Facebook. Et je suis pas là pour les voir. Il y a un groupe ouais. Secret ou je sais pas trop mais quoi. Non, donc, ouais. Peut-être s'arranger avec sa gang, faire mm-hmm. Hey, bon, peux-tu faire ça sur Facebook maintenant? Elle va être obligée de la laisser. Ouais, c'est ça, tu sais, faire. Il y a aussi tous les trucs non éthiques. Parce que là, tout ce qu'on veut, c'est trouver comment convaincre ta mère. Oui, de te laisser. Oui, elle est ouais. Non éthique. Tu peux y aller avec le chantage. Tu peux... Ouais. Tu vas fuguer si tu me laisses pas aller sur Facebook. Je vais fuguer ou je vais te prendre en photo à ton insu dans une position disgracieuse et je vais menacer de la publier. Mais pas sur les médias sociaux. Sur des médias sociaux. Ouais. Si tu m'empêches... Ouais. Mais sinon, moi, j'ai une petite technique là, de passe-passe. Demander à sa mère... scraper la télé, t'sais, mettons. Là, ou y aller parce qu'elle peut pas connaître. Mettons, achète-moi un PlayStation et maintenant... Avec les nouvelles télés intelligentes, tu peux aller sur Internet. Ah ouais. Et je suis sûr que la mère va tellement barricader l'ordi avec tous les mots de passe, tout ça, que toi, tu vas là, sur ton PlayStation, dans ton furteur, tu te pars un compte Facebook. Ni vu ni connu. Via le PlayStation ou via la télé intelligente, tu sais, ou aller à la bibliothèque de ta ville. Oui. La bibliothèque. C'est à ça que ça sert maintenant. Oui. Ben, aller sur Internet. Surfer de la porn. Checker son Facebook. À l'époque où seules les bibliothèques avaient Internet. Ouais, c'est vrai. Mais maintenant... On... Réutiliser la bibliothèque pour tricher, en fait. Exact. La Facebookothèque. La Facebookothèque. Ouais. Non, mais tu sais... C'est... Son estime mère, là. Ouais. Il y a toujours les petits noms funky, là, genre... si elle s'appelle... Isabelle, ben elle écrit Isabelle. Ouais, cacher son identité t'sais, un peu. Ouais. De le faire sans à l'insu de sa mère. Ouais, ouais. Avec juste une photo de sa brassière. Ouais. Ouais. Puis là, tu peux... Un avatar qui la représente. Ouais, un avatar qui la représente. En disant, maman, regarde, on va choisir ensemble les photos. Mais tu sais, c'est parce que c'est dur que, quand ça vient de la fille. Il faut que ça vienne de la mère, tu sais. C'est sûr que la fille, elle, si la mère, elle dit juste non. C'est dur à convaincre. Ouais. Je pense que toutes les limites que tu accordes à tes enfants sans explication... C'est pas des bonnes idées. Non, c'est pas des bonnes idées. Il faut que quelque part, tu justifies un peu ton point, que tu aies ces discussions-là. Ouais. Tu fasses dire, ça me dérange pas que tu ailles sur Facebook. Je veux juste qu'on en parle. Je veux juste que tu me dises, aujourd'hui, comment tu t'es senti. Y a-tu quelque chose qui n'a pas fait ton affaire? Y a-tu quelqu'un qui t'a dit quelque chose sur Facebook que t'as pas aimé? Y a-tu une photo que t'as vue que t'as... qui t'a choqué. Ouais. Mais je suis sûr que la mère a peut-être de très bons points. Fait que là, rendu là, le but, c'est est-ce que je suis capable de communiquer à mon enfant et est-ce que mon enfant va embarquer dans ma mentalité? Parce que je peux pas la forcer à faire quelque chose. Moi, dans le meilleur des mondes, avec les positions que j'ai, mes enfants mangeraient jamais de McDonald's, mettons. Mais je pourrais pas les empêcher. Je peux juste espérer... Ça sert à rien de les empêcher parce qu'ils vont juste avoir envie d'un Big Mac. Communiquer, moi, ma vision que j'ai de la chose et espérer que de leur propre chef, Il adhère à ça. Tu peux rien faire d'autre. Tu peux pas. Il faut que tu comprennes, par exemple, qu'il y a un âge à partir duquel ils vont comprendre ta position. Oui. Et qu'avant ça. Et c'est correct aussi qu'ils l'expérimentent. Ah oui, même oui, si moi, je suis pas dans. Ouais. Mais il y a peut-être quelque chose qu'on voit pas. Par exemple, Antoine Vézina, ancien panéliste de Pas de problème, a un compte Facebook. Oui. Et il y a comme deux amis, puis un de ces deux amis, c'est moi. Et Antoine, Facebook, c'est tout ce que moi, je like et ce que je poste. Donc, si sa mère n'est pas sur Facebook, ben qu'elle se part un compte, elle aussi, qu'elle fait juste suivre sa fille. Ah ouais. Mm-hmm. Et là, elle va tout voir. Ouais. Ça se peut aussi. C'est vrai. Oui. C'est comme un livre ouvert sur la vie de sa fille. Ouais. Oh, mais il faut qu'elle la convainque d'abord. Ouais. Peut-être que sa fille pourrait lui dire un truc du genre « Maman, je sais ce que je veux faire dans la vie, je veux être sociologue. Je m'intéresse à toutes les plateformes sociales, là où les gens se rencontrent, les nouvelles technologies. Puis j'ai pensé à ça, peut-être que avoir un compte Facebook pourrait m'aider à m'épanouir dans ma nouvelle passion. » Et bon, là, ça. Si sa mère dit « Non », elle dit « Hey, maman, tu me brûles les ailes en ce moment, là. » Tu nuis à mon envol. Mon rêve d'être sociologue. Ouais. Ouais. Ça rentre dans le chantage, là. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire, donc? Je sais pas, Mathieu. Ça m'échappe. Oui, j'allais dire, il y a des enseignants aussi, il y a des professeurs qui maintenant ont des profils Facebook, tu sais, avec lesquels ils adressent des communications aux élèves, tu sais. Ah oui? Moi, je connais des profs. Tu peux être ami. Oui, c'est éthiquement correct d'être ami avec ses élèves. C'est genre, mettons, tu sais, Madame Valérie. Là, mais c'est un autre compte. Ouais, c'est un compte. C'est comme c'est ton compte de prof. Valérie École, mettons. Là, fait que, tu sais, elle s'ajoute, mettons, ses élèves à chaque année, puis elle les enlève après ça. Je pense qu'il y a des profs qui font ça. Oui, tu mets pas, mettons, Valérie Bouchard avec tes photos du vendredi au Fuzzy. Des profs que je connais ont des pseudonymes, là, justement. Là. Ouais. Ouais, pour pas. Ouais. Pour pas, Sur Facebook, toujours Patrick Nadeau qui est complètement en feu. Une inscription sur Facebook permet de suivre pas de problème et d'être alerté des dernières nouvelles. Oh. Une inscription sur Facebook permet d'appuyer plein de bonnes causes telles que le cancer du sein, les chiens perdus, les enfants perdus, la cause de Claude Robinson, le végétarisme, le féminisme, l'anorexie, la mondialisation, les coupures à Radio-Canada ou la liberté d'expression. C'est sûr. C'est sûr que moi, j'apprends aussi. À tous les jours, on apprend quelque chose sur Facebook. Là, ben oui, de la merde. Mais tu sais, on apprend aussi. Oui, c'est ça. Ben, c'est une bonne manière de se tenir au courant. Hein? Ouais. Ouais. Vicky Langlois sur Twitter. Lui ferait, elle semble très jeune par rapport à sa photo. Lui faire croire qu'on va l'ajouter comme amie et elle pourra ainsi plus nous connaître. Oh. Peut-être que c'est ça qu'elle a fait, elle. Peut-être. Et après ça, elle s'est partie un compte Twitter sans le dire. La jeune Vicky. Ou c'est peut-être comme de faire cette expérience-là ensemble. T'sais, maman, je veux un compte Facebook. OK, ben je vais m'en créer un, moi aussi, en même temps. Fait que là, t'sais, ils peuvent expérimenter les deux, les critères de confidentialité. Le compte commun. Le compte commun. Ouais, peut-être pas. Compte conjoint. Genre ouais. Les dames. Les Dames Desjardins. Les Dames Desjardins, là, ouais. Les deux ensemble. Il y avait un bel épisode de South Park dans lequel le père de, je pense, c'est Stan. S'inscrivait à World of Warcraft pour être capable de passer du temps avec son fils. Ouais. Et c'est drôle. C'est par. Ouais, c'était comme. J'avais bien aimé. Arriver avec ses propres règles. Dire maman, je ne mettrai pas de photo de moi. Ouais, c'est cool ça. Qui sourit. Non, je ne mettrai pas. Je n'aborderai pas tel et tel sujet. Je vais y aller 15 minutes le matin et 15 minutes le soir, je sais pas. Là, tu sais, il y a... Mm-hmm. Ouais, je ne chatterai pas avec des inconnus. Oui, non, c'est sûr. Ça. De se faire une liste de règles, faire, tu regarde, là. Je sais là, de quoi t'as peur. Ouais. Ouais, ça serait empathique de sa part à la fille. Plutôt que de boquer, tu sais, c'est ça, il faut que les deux soient ouverts, là, t'sais. Martin, t'es dans l'une ou... Tu penses à ta belle grande fille? Non, je suis en train de penser à une autre solution, en fait. Ouais, OK. Maman, je vais faire un compte sur Facebook, mais je vais m'exprimer seulement avec des stickers. C'est plate. Question de renouveler un nouveau mode de communication, ouais. De faire aller ma créativité. Ouais. Mm-hmm. Mais sa mère a aucune idée, c'est de quoi? Colorée. Ah, ouais! Mais non, mais elle lui explique, ouais. Elle lui montre. Ouais, mais moi, je pense que c'est sûr qu'il faut que tout le début du processus se fasse à deux. Là. Mm. On crée le compte ensemble, on montre comment ça marche. On check les options. On regarde les options. Il y a ça. Puis le plus on va être dans la transparence, le plus on va être dans l'honnêteté, je pense, le mieux les bases vont être... Ouais. Non, mais attends, je suis en train de chercher. Là. On parlait des Vikings. Des Vikings qu'on parlait, non, je pense. Vikings Subban. C'est vrai que la saison 2 est pas super. Hein. Non. Même la 1, c'est bien controversé. Les Vikings? Ouais. C'est une vraie... Avec Gabriel Burns. Ah ouais? Ah ouais. Oh ben, mon Dieu, j'ai pas vu ça passer. Mm-hmm. Ouais. Il est bon, lui. Ben oui. Ouais. Il est pas plus bien quand même. Non, mais je cherchais les Facebook chinois, là. Ouais. On a cherché ça, me semble, une couple de podcasts. Ouais, hein, ouais c'est ça. On s'en rappelle pas, là. Parce qu'on n'ira jamais s'abonner à ça, je pense. Ah, OK. Google Plus? Il y a des excellentes recettes de dumplings, ça a l'air. C'est assez, sur le Facebook chinois? Oui, ouais. C'est pas des farces. Tu peux en commander. Ah oui. T'en donnes avec un nouveau profil. Ah oui, ça vaut à peine. Ben, c'est ça, voilà. C'est un dilemme éthique où la discussion doit être sincère et le climat doit être ouvert. Ou sinon, maman, assieds-toi sur ce bas de plug-là plein de hot sauce. Pis, et je te l'enlève seulement quand tu vas... accepter avoir un compte Facebook. Ah oui, ben oui. Des plans qu'elle accepte jamais. Ben d'abord, retire pas le botlog. retire seulement quand elle accepte. Quand elle accepte. Okay. Sous la torture, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Maman, j'ai déjà parti un compte Facebook. J'ai mis une photo de toi tout nu. Si tu me laisses pas vivre ma vie, je ne la retire pas. Mark Zuckerberg, il veut. Alors, est-ce qu'on a des solutions préférées? Non. Je pense que c'est le premier podcast où on n'en a pas. Non, hein, c'était comme plus une discussion de société. Oui. Oui. Non, il ben, y en a eu ben des moi, solutions. Moi, j'haïs pas la société du... voyons, la société. J'haïs pas la solution du Facebook russe. Ouais. Le Facebook russe, mais tu sais, il faut que tu embarques tes chums, là, s'ils sont pas ouais, là. Oui, t'embarques tes chums. Mais il y en a plein de réseaux sociaux quand même. Mais là, c'est un c'est bon ça, LinkedIn, là. Ouais. LinkedIn. Ça me parle, ouais. J'ai jamais accepté une maudite demande. Tannant. Non, non plus. Très mais tannant. Bon, peut-être, tu sais. Jonathan Bob Savoie qui écrit « Avec Facebook, tu aides à enfermer les méchants à travers le monde. Kony 2012. » J'ai pas le référent. T'as pas le référent? Oui, il ouais, y a eu comme une campagne, genre, de gars qui faisait... contre un dictateur, je pense. Non, c'était un gars qui avait des enfants soldats. Oh, oui, c'est ça. Oh. Good. Mais tu sais, ça a pris des proportions énormes, là, quand oui. même. Mais bref. Oui, moi, ma solution préférée, c'est Diane, je pense qu'il le dit. Tu sais, ouais, prends mon mot de passe. Prends mon mot de passe. À un moment donné, tu y switches l'enfer. Ou deviens son ami. Deviens son ami. Ma question, c'est ouais. est-ce que tu es capable de changer tes niveaux de sharing dépendamment oui, de tes ben amis? Oui. Ouais, genre, lui, il n'y a pas tout. Lui, ouais. Fait que là, tu peux tout faire ça. Ouais. C'est long, mais tu peux tout faire ouais. ça. Fait que donc, tu pourrais t'es mieux avec le mot de passe que de. Juste fier à être, je suis ton ami, donc je sais tout de toi. Ouais, t'es mieux que le mot de passe si tu veux voir les conversations privées. Ouais. C'est là où le bas blesse aussi. Mmh. Ouais. Moi, ma solution préférée, c'est vraiment d'aller à la bibliothèque pour utiliser Facebook. Ouais, ouais, ouais, ouais. Ouais. Mmh. Avoir un compte secret. Chez grand-papa. Grand-papa, il est toujours cool. Ouais, il te donne des piastres puis il te laisse aller sur Facebook. Grand-papa et grand-maman, là. Ouais. Une bonne sandwich aux bananes. That's the ticket. Puis c'est grand-papa qui prend les photos osées de toi pour les mettre sur Facebook. Oh mon ça, Dieu. C'est des bons trucs d'argent de poche. Mais ça va être une autre chronique. Oui. Yes. Comment faire de l'argent de poche facile. Mais on n'a pas abordé justement la famille, spotter la personne qui est plus Facebook dans la famille pour avoir son allié, tu sais. Oui, puis scraper les soupers de famille avec des discussions lourdes de ça, mais à chaque fois, là, ouais. faire, tant que tu ne me donnes pas un accès... Je relance le débat à chaque fois. Ouais. Mais oui, tu trouves une référence Facebook aussi qui peut comme relativiser les deux côtés. Puis après, envoyer ces personnes-là au front. Ouais. Genre, ouais, elle va être correcte. Toi, tu fais rien. Les autres le font. Le font. Les paroles d'un sage. Oui, mais pendant ce temps-là, utilise l'interweb pour venir voter pour nous sur iTunes. Oui. 5 ou rien. 5 ou rien. 5 ou rien. 5 ou rien. 5 ou rien. Je te dis qu'en 3 et 4. Non, non. Je coupe ton micro right over. Ça fait 5 ans que c'est 5 ou rien. Hey, je peux pas croire. Réveillez-vous. Liberté d'expression. Vous avez le droit de voter. Non, c'est pas tant. Simon, faut que tu comprennes. On veut juste, nous, que iTunes devienne oui ou non. Tu sais? Ouais. Ouais, mais pas moi. Juste oui. Nous autres, on veut juste oui. Oui, Toons. Fais pas croire, Simon. J'aimerais même qu'on ait un rating entre 0 et 10. Je trouve qu'entre 0 et 5, c'est pas suffisant. Ouais. Tu disais ça au dernier podcast, là, puis je le réécoutais. Moi, j'aime ça donner des 6.5. Calvose. Qu'est-ce qu'on fait? Cela dit, Simon, merci pour tous les podcasts que t'as fait avec nous. C'était ton dernier, je crois, aujourd'hui. Désolé, gang, mais tous ceux qui croient au rating entre 0 et 10, le combat n'est pas terminé. Redonne, on te demanderait de remettre ta badge et ton gun. Ouais. I must return to my home world. Joey Tribbiani. Je quitte, mais le combat continue sans moi. On a le droit de voter ce qu'on veut tout le temps. Je faisais une référence à Poochie dans Les Simpsons. Oui, voilà. Qui est flushé. Sur de façon cavalière, ouais. Yes. Sinon, les autres qui peuvent voter 5 ou rien puis pas écouter ce que Simon dit. moi, j'ai pas de plug à plugger. T'as pas de plug à plugger? Non. T'as pas de plug à plugger. J'ai pas de plug à plugger. Plug à plugger. Ouais. Oui. C'est un plugger. Moi non plus, j'ai pas de plug à plugger. Un pas de plug à plugger. Trois plugs de plug, il plug. S'il y a un plugon de la plug, ça déplugue. Le plugon déplugué fait déplugger la plug. Ah, je connais pas ça. Quand okay. Un plugon fait un plug à plug. Oui. Voilà, donc continuez à nous écrire. Hein. On veut des problèmes sur Twitter, ouais. Sur Facebook. À pas de problème, gmail@gmail.com. Et si vous écoutez ce podcast-là, là, en plein milieu de l'hiver, mettez-vous des mitaines. Il y a des bonnes chances qu'on joue à la lime les oui, dimanches soirs. C'est vrai. Les quatre. Ouais. Oui. Peut-être qu'un jour, il va avoir l'équipe pas de problème. Oh, quoi? Ouais. C'est impossible, on est quatre gars. Ce serait malade. C'est vrai, c'est impossible. On va être rendu sub. Ouais. Le mot de la fin, Martin! Ben voyons donc, vous avez un problème. Nous avons un podcast. Ouh!